Boum Boum Mot. Boum Boum Mot. Musique française. Des années 60 à 80. Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, vous êtes sur Prune et c'est l'heure de Boum Boum Mot. Nous sommes de retour après cet incroyable 200e podcast de 4h. Merci encore à toutes nos contributrices et nos contributeurs. Elle a magnifiquement conclu ce podcast anniversaire, justement, et elle est notre invitée pour cette 201e Boum Boum Mot. Je veux bien sûr parler de l'inénarrable et l'avenante Louise Petrouchka, qui passe derrière nos platines ce soir, comme elle l'avait elle-même annoncé la semaine dernière. Ancienne bénévole de Prune, puis journaliste chez Mademoiselle à Paris, Louise Petrouchka s'est révélée en tant que DJ en mixant dans différentes soirées de la capitale. Elle est une grande fan de Diams, qu'on va sans doute entendre un peu ce soir, et plus généralement de la musique des années 2000. Mais ce serait une erreur de réduire son travail et sa curiosité au simple tube rap et R&B du début de ce millénaire. Chez Boum Boum Mot, on adore son énergie communicative et on est vraiment super enthousiaste à l'idée de la recevoir, parce que c'est une amie de longue date évidemment, mais aussi et surtout parce que c'est une fille incroyable et une super DJ. Mesdames et messieurs, Louise Petrouchka dans Boum Boum Mot. Avant que ça dégénère. Appelle-toi, appelle-toi. Appelle-toi la dernière fois. Appelle-toi, appelle-toi. Quand tu t'es mis dans tous tes états. Appelle-toi, appelle-toi. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Quand je dansais le cha-cha-cha. Lorsque je bouge mon corps, je le fais à mon insu. À force de faire des efforts, j'suis essoufflé et je sue. Ça n'est qu'une simple démonstration. Je te prends à l'essai, histoire de capter ton attention. Au lieu que tu t'énerves, t'énerves pas. T'énerves pas. Je vais faire des dégâts. Amène-moi, amène-moi. Je veux, je veux, je veux rentrer chez toi. T'es dans tous tes états. Badaboum, boum, patatra. Mais t'es plus fort que ça. Tu retombes sur tes pattes comme un chat. Chapeau bas, tcha tcha tcha. Approche-toi, tcha tcha tcha. Fais comme moi, tcha tcha tcha. Un, deux, trois, tcha tcha tcha. Le plaisir. comme ça. Et je t'ai dans le vide, comme je t'ai dans le vide. C'est la vitesse qui me caresse, des images de toi qui m'apparaissent. Et je t'ai dans le vide, là j'ai touché le mille. C'est la vitesse qui me caresse, des images de toi qui m'apparaissent. Tu penses sur mon visage, le reflet de tes mirages. Te donne tout, tu prends tout. Je fiche tes paysages, ma peau, ton pèlerinage. Te donne tout, tu prends tout. Et je t'ai dans le vide, comme je t'ai dans le vide. C'est la vitesse qui me caresse, des images de toi qui m'apparaissent. Et je t'ai dans le vide, là j'ai touché le mille. C'est la vitesse qui me caresse, des images de toi qui m'apparaissent. I don't really dance with girls that I don't know, that ain't my type. Whatever, she super thick, I just lookin' nice. Instead of all the hoes, but she different. Heartbroken, feeling what is missing. Driving her ways for some instant. Got me thinking, I don't wanna hurt you, no. Cliche, she said it's safe. I'm dancing. Might be the boost, that's the pilot. Cliche, she said it's safe. One step, two steps, two step, slide. Something about this place, there's such a vibe. Trying to paint in a pleasure vice. There's no better state to drunk and high. Wonder how the sober can survive. One in a million, still down to do the most. Moving different only for experience. Now she try to let me in. Fast forward when she woke up and it let me in. Out. Living by the rules that she stood by. X-ray. No matter the pain, it's a good night. Lights out. One step, two step, slide. And on and on, on. Yeah. One step, two step, slide. And on, on. Break it down. And she doesn't care. I'm up anyway. Ooh. Cliche, she said it's safe. Ooh, what a beautiful silly. Who wouldn't even try? How should I love her? In a better way, cliche, she said it's safe. In a better place, she worth it. Nobody can stop her. Cliche, she said it's safe. Every girl is sicker than a doctor. Let's go. Prends les mains, autant, et baby, prends ma main. Fini faisant son lit, roule la main. Oh là là, elle fait job et le taf sans les mains. Sur 31 pour un gros câlin, mais comment ça? Tu veux plus me parler, comment ça? Tu veux plus whiner tout en bas. Je prends sur moi, je me prends pour qui but, je me prends pour moi. Tu comprends ça? Tombe le bébé, fais doucement. Mal aimé, t'es encore dedans. Beaucoup d'efforts pour finir tout devant. Ça c'est du sport, fais très attention. Show me love, show me. Comment ton bras passe, c'est pas possible. Je crois que je vais die pour ton body. Et tu veux le show me là, show me. Plus tes fesses là, baby, bye bye. Tu fais que travailler, que flex et tu le prends mal. T'as pas le veil de mes ex, mais tu les copies. Tu veux pas flash dans mon visage, mais tes yeux en miche. Sweet petite Aïcha. Tu veux touch une body, toi. Tu veux briser comme moi. Mais pourquoi? Là, il faut que ça s'arrête. Faut plus que je t'appelle. Il faut pas que tu reviennes. Si ma con nous attrape, elle nous jette dans la scène. But you better show me love, show me. Comment ton back bounce, c'est pas possible. Je crois que je vais t'aider pour ton body. Baby, just show me love, show me. Yeah. j'ai plus l'impression d'exister. La crainte d'être impacté par un missile. Devant ces formes, j'suis pétrifié. Tête haute, j'vais pas me baisser, faire le miskin. Même si tu m'as mystifié, dure tête, j'y vais franco, j'veux sa poussière, rien d'impossible pour moi. Monte-moi comme une monture pour voir. Le réseau transparent sous-marin. Tu peux me donner ton cœur, moi j'ai caché le mien. Si t'es prête à me suivre, prends la main. Commence pas à me parler mandarin. Tête haute, j'veux la baisser lorsqu'elle s'exhibe. Mais je me vois pas l'esquiver, dure tête. J'y vais franco, je veux sa poussière, rien d'impossible pour moi. Monte-moi comme une monture pour voir. Je veux ton corps et je le veux sans cesse. Constate du love, de la tendresse. Aimer tes torts et à travers toute la lune, tu connais l'adresse. Je veux ton corps et je le veux sans cesse. Constate du love, de la tendresse. Aimer tes torts et à travers toute la lune, tu connais l'adresse. Obsolète. Je crois que j'ai plus cet thème que t'as raidé comme j'aime t'aime. Peu que te marana dans cette discothèque. Tu me l'avais mis du talc tel un bébé, j'suis en lambeau. Peu que te marana. Nimlana, mais c'est sincère. J'veux un autre rang du rap. Cap micro, peu que te marana. L'image de tes sèves contre moi quand on se fout mal sec. En répète dans mon crâne, c'est chenal. L'idée de tes sèves contre moi quand on se raide sans cesse. En boucle dans mon crâne, j'suis de teint. Pour me côté, pas blessé, bébé. Tout ce que je te fabule, c'est tellement bienveillant. Je veux ton corps et je le veux sans cesse. Constate du love, de la tendresse. Aimer tes torts et à travers toute la lune, tu connais l'adresse. Je veux ton corps et je le veux sans cesse. Constate du love, de la tendresse. Aimer tes torts et à travers toute la lune, tu connais l'adresse. Habille-toi, habille-toi, habille-toi. Ce soir on danse le mien. Jean en short ou en jet, la pape elle est qu'à toi dans le virage. Habiba, habiba, habiba, avec toi je danse le mien. En jean en short ou en jet, la pape je suis belle qu'à toi dans le virage. Pas l'hiver, mais tcha tcha tcha tcha la choque. Disperse des pensées, bah ouais faut que je la lock. Pour qu'en pandémie, on répond là. Hey, tu t'es déjà réveillé incrisé au pied de ton lit? Oui, oui, pour des histoires d'huissier, je te dis. Ma veine vénéneuse a gonflé mon cou. La haine a vite fait d'accélérer mon coup. Pourri de la ville de Paris, pas besoin de parier. Yeah, yeah, partout sont tous des parias. Ma photo, s'il y a un voyou, c'est moi. Regarde, je porte un camouflage militaire, j'avoue. Je militaire, max au pied, représente mes frères fiers. Me sers du mic pour traverser la frontière. De ce qu'on pense à ce qu'on dit, ce qu'on a et ce qu'on fait. Du sursis pour ceux qui ont dit, c'est un monde parfait. Si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Je croise un colloque, mon système nerveux se bloque. Choc, pas de saleté, mon système immunitaire lock. Les issues de spi, je m'éloigne d'au moins un bloc. Le choc me révulse tellement, j'en suis fort, fort. Époque de fou, un truc de dingue comme dirait Doudou. T'as déjà pas de sous, on gratte là-dessus et on va où? Outrage à magistrat, dans leur langage magistral, toi tu râles. Outrage à la populace, la rue leur est égale. J'aiguise ma langue comme les griffes de Serval. Pour qu'elle me servale, à la serrée, je ressors triomphal. Femme guerrière, mon cri date pas d'hier. Envers de la bière, pour se mise en bière, par les bavures policières. Les keufs me matent, si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent, si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent, si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Marche en hâte. Les keufs me matent, si t'es chargé, calme. Si ralenti, ça t'a hauteur. Ma couille marche en hâte. Une Clio au phare blanc, trois têtes de Forban, ça roule lent. 7-5 montées devant, j'passe trois têtes, tourne en même temps. Je suis le plan, à deux pas de chez moi, mais bien loin d'être rentré dedans. J'ai croisé un gars, je me suis vu en tôle disant hey hey, ils vont me dire pourquoi ça mate. Savent qu'aujourd'hui, pour un rien, les jeunes s'émeutent, les vices des anciens s'imitent. Quand ils nous causent tous comme à des coupables de meurtres, on en vient pro lui s'en mettre parfois. J'ai ce danger parfait, j'ai le stick, le gun, donc j'ai fini par fuir. Manquerait plus qu'ils fument ma zeb, dis-leur bien que c'est dead. F dit laisse ramène au mic, dealer bien que c'est faible. Plus y'a de frères en galère, plus y'a de cups, mon Porsche. Plus mes grains ne partent en couille et plus les dents embauchent. Je vais swinguer la rancœur que t'as en bouche. Dès que tu crois civil et CRS en bout, je fous ma jeunesse en bouche. Si t'es chargé, calme. Si ralentis à ta hauteur, marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Si ralentis à ta hauteur, marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Si ralentis à ta hauteur, marche en hâte. Les keufs me matent. Si t'es chargé, calme. Si ralentis à ta hauteur, ma coupe marche en hâte. Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi que t'as dit? Que t'aimais pas les étrangers et leur emblème? Et c'est quoi qui te gêne? Qu'on compatisse avec ta haine, que l'on soit complice du bordel ou qu'on ait pas les mêmes gènes? Mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait le même Dieu et pas les mêmes prières? Que nos mêmes jeux soient pas les mêmes qu'hier? Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on te bouffe de l'oxygène ou que nos discours engagés n'aient jamais les mêmes thèmes? Eh, c'est quoi qui te gêne? Tu peux me dire, vas-y, n'aie pas peur, qu'on ne pense pas de la même couleur ou que l'on naisse dans l'erreur. Eh, c'est quoi ce qui me gêne? C'est de savoir que sans le regard, t'infligerais pas les mêmes peines, tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. Alors c'est ça qui te gêne? Vas-y, avoue que nous la vie on la joue. S'entendre notre jouet, c'est quoi qui te gêne? Que notre pays soit la France, mais que ce soit dans nos bleds respectifs qu'on passe nos vacances. Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on soit tous hommes, bien qu'on ait pas les mêmes douleurs et que ce soit pas dans les normes. Non mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on soit pas voisins de palier, que nos gosses fréquentent les mêmes écoles et gravent sur les mêmes cahiers. C'est quoi qui te gêne? Qu'on ait pas les mêmes colères, qu'on ait pas le même salaire pour bon nombre d'heures de galère. Eh mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait tous les mêmes pieds bas. Tu préférerais qu'on passe de la vie à trépas? Tu sais quoi? Ce qui me gêne, c'est tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. Je te dis ce qui me gêne, c'est quand je cherche un boulot. J'ai d'office alors que ma pine corame pour une place au McDo. Ouais, c'est ce qui me gêne, c'est quand je marche dans la rue. Les kiss des me sourient et sont mes potes sur rue. Ça me gêne quand dans le bus tu laisserais ta place à ma grand-mère. Elle laisserait la merde, ma copine, avec tous ces sacs en galère. C'est ce qui me gêne, c'est que la couleur te dérange. Mais toi t'es même plus blanc, tu vires à l'orange. Ça me gêne qu'avec un CAP je touche 15 000 balles par mois. Et elle avec ses 7 endroits elle en touche même pas 3. Ce qui me gêne, c'est qu'à la manifestation Mouloud était au poste alors que je foutais le bordel à la nation. Comme toi, je suis blanche, j'ai pas le même discours. Forcé d'être franche face aux racistes dans la basse-cour. C'est quoi ce qui me gêne? C'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. Musée Bal, musée Via. Vie en rose façon Dolce Vita. Pour moi c'est plutôt Via. Sans à l'heure comme à Daytona. Faut que je fasse le max pour amener les CFA. Tu me comprends? Tu vois j'ai pas le temps de faire le tour des monuments de Paris. Mon bâtiment me suffit. Même si peu de touristes passent par ici. Ici Elan représente loin des clichés. Cartes postales, Champs-Elysées. Cette vie de bohème donc peu de comédia dell'arte. Je te donne les faits, rien que les faits comme sur Arte. Mais si, pour Surtout en France, y'a trop de rebeux et de renois. Et que ça pue trop le tchorail près des Sonacotra. Moi je me fous du monde et prépare ma libération. Je suis le nouvel observateur en pleine expansion. Ça me fout la rage de faire comme si c'était pas grave. Lorsque le FN pousse à la scène un arabe, alors que quand les Didi Die, la Sachal chamée, l'opinion publique française soudain s'est alarmée. Éloquence pense que pour nous y'a moins de chance. Je baisse pas les bras, mais c'est ça la France. C'est ça la France, c'est ça la France. Autant de bourbes dans le bistrot que le mec fume le pédo. C'est ça la France. Autant de refrains au stebo que de variettes chez Foucault. C'est ça la France. Autant de bongo Lido que de Charlot dans le métro. C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Pardo. C'est ça la France. Je suis jeune et con, pire qu'un vaudou face au coq français. Faut qu'on plume le beau, c'est notre époque, on le sait. Je prends le pic et la feuille saine, digne dans ce monde obscène. C'est ring sing, this is la peste. C'est son nom de scène. Texte grandiloquent, éloquent, les fugits des délinquants. Je rappe pour les neugeux qui te font regretter l'époque du French cancan. Ou quand tu regardais Stéphane Collaro et son Cocorico Show, son émission de beauf pour les cochons, les gros. Il est madoc, ouais. Je crois que tu te gourres, j'ai pas de slogan, j'ai pas d'histoire. Au pied de ma tour, j'ai pas de discours. Mais on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même bédo, même. Ça fait E-L-O-Q-E-N-C-E. Plus la vibe, fuck le FN vu que la N-C-E. Qui la distille sur affiche pour celles de ceux qui pensent que la France on vient à la harée. Chacun sa vision du monde oblique et la mienne. Quand je clique à l'amiable, pessimiste à souhait sur tes principes, je m'assois. Pur guerrier Maasai, mes frères savent comment réagir si les flics Maasai. Autant de bouffe dans le bistrot que le mec fume le pédo. C'est ça la France. Autant de refrains au stebo que de variettes chez Foucault. C'est ça la France. Autant de bongo Lido que de Charlot dans le métro. C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Bardo. C'est ça la France. Rarement le béguin, stock de haine en masse, origine qu'un prix représente, jeune noir, sans espoir, vu que c'est intégration sinon rien, peu de place pour moi dans ce pays, paraît que j'ai un chourave le taf de certains, idée préconçue, soif de reconnaissance, pour moi et mes frères qu'un fin, n'oublie pas d'où je vais et où je vais, n'oublie pas se tomber pour un rien, histoire de braquage, sans trucage, je sers la réalité telle qu'elle. Donc t'es calme frère. Éloquence, on dit quoi? On dit que c'est bon, non? Des vibes de ouf sur des beats de dingue, putain c'est pendant. Moi je suis un afro pauvre qui donne des afro beaux. Parce que seul taf qu'on m'offre, c'est d'être blarf et beau. L'époque des yéyés, c'est fini. Maintenant si tu sais pas ce que c'est de la bête de bombe négro. Même si ça sonne pas français, c'est 22 béliers pour le beat. Maintenant tu sauras ce que c'est. Autant de beaux dans le bistrot que de mecs fumant le pédo. C'est ça la France. Autant de refrains au stebo que de variettes chez Foucault. C'est ça la France. Autant de bongo Lido que de Charlot dans le métro. C'est ça la France. Autant de rage dans mes mots que de conneries chez Bardo. C'est ça la France. C'est ça la France. Tu dis quoi, éloquence? C'est ça la France. C'est ça la France. Ouais, ouais, On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, c'est quand tu veux. Briller comme une étoile filante. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux, c'est l'aventure qu'il est temps. Quand tu veux. Et puis cet étrange pouvoir ambitieux, parfois vicieux, qui s'est glissé dans le regard. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la vie si tu veux. Vivre plus vite que les autres. Si tu veux, quand tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Avoir un pied dans le futur. Quand tu veux, quand tu veux. Vivre les rêves qui sont les nôtres. Même si c'est pas toujours facile. Et obéir à sa nature. On est jeune et ambitieux. Puisque rien ne dure. Ambitieux, parfois vicieux. Vraiment. Faut que tu dises que tu peux être le prince de et la vie. Et prince Libye. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. N'ont pas besoin d'armure. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Dans les grandes joies tu veux. Si tu veux, si tu veux, où tu veux, où tu veux, quand tu veux. Les rêves sont faciles. Si tu veux, si tu veux, où tu veux. Et leur nuit de vinyle. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Sont collés sur les murs. Si tu veux, si tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Mais rien n'est Et l'avenir fragile. Pour les princes du pays. Des idées bizarres. Vibre au rythme des guitares. Des rock and roll stars. Ça dans la tête, le temps passe et je deviens moins sympa. Peur à Madja rapporter des thunes, donc je suis chaud pour vivre la vie d'artiste en café. Ouha, un flow qui sent le freak. Si la faucheuse avait un blaze, elle aurait ce titre. Ouha, après le prochain, je free him. Si on te demande, je viens tout dealer, je suis un mec d'ici. J'espère t'as bien compris que le sourire au moment dans salutation, c'était juste par politesse. Parce toi et moi, on n'est pas potes. C'est bien cool partager les sommets. Mais la prochaine fois, tu peux garder tes pattes pleines de ce vie bien profond dans tes poches. Mon sourire jaune, j'ai cœur en fer. Pourquoi tant de violence, trop de somme d'ici? Mulé qui va finir par suggérer. D'accord, maintenant ça se passe, ça comme sur toutes les plateformes, on va te fumer comme Black Ops. Si elle m'aime, faut qu'elle sache, y'a pas à stresser pour le futur avec WAM. Un tir précis et la mort te fait signe. On gère le bis comme ta favela se Brésil. Si elle m'aime, faut qu'elle sache, y'a pas à stresser pour le futur avec WAM. Un tir précis et la mort te fait signe. On gère le bis comme ta favela se Brésil. Mais j'pourrais jouer le rôle du big, ma feu si tu dois le cash. Sur terrain vague, j't'attends les phares éteints. Veste en velours, j'suis à l'arrière du cas. Moi, ces gars vont faire le taf, mais je passe sur le cap. Du sang sur le cap, j'pète les plombs. Je reste calme et au feu, j'pète les plombs. Si j'étais Quavo dans la boîte à Paris, j'aurais fait le nécessaire pour que les videurs soient bannis. T'as vu comment on sape, comment on rappe. Regarde bien ma tête avant de me proposer ta marque. J'en ai parlé à des cas ou à des schlags. Tu viens me dire que t'es quelqu'un chouri, mais j'te connais app. Allez, un amour innocent comme Clyde et Bonnie. Viens pas chipper, jouer la pape, tout est boni. Le corps des rappeurs sont comme des dos d'un jupe méchant dans le polar. Fantôme, c'est opaque, opaque, opaque, opaque, opaque. J'ai bossé ce truc pendant des heures. Je rentre dans le truc comme never. Tu hoches la tête sévère. J'accélère quand c'est vert. Cogno, ça fait mille ans que j'attends ce moment. Te voir tomber du toboggan. Tu veux jouer, prends un ticket. Tu veux jouer, prends un ticket. J'ai besoin que tu n'allumettes pas d'un briquet. J'ai besoin que tu n'allumettes pas d'un briquet. Vous les paysans, moi la reine. Vous les insectes, moi l'araignée. J'ai dû prendre goût à l'amertume. Je traîne en flip-flop à l'arrêt de bus. J'arrive à cloche-pied, ça t'a perturbé. Si je prends les commandes, c'est pour faire du sga. T'es bien maquillée mais tu restes une chance. Chacune de mes apparitions laisse une trace. T'as un gros cul à la tête à Jean-Marie. T'as un gros cul à la tête à Jean-Marie. J'suis incapable de le faire sans ma mif. J'suis incapable de le faire sans ma mif. Jeune indigène perdu dans la ville. Jeune indigène perdu dans la ville. J'vis là où on joue le match sans arbitre. La plupart de leurs chansons sont pathétiques. Quand j'suis seul au tard le soir j'suis assez triste. J'vais laisser sur la planète un sacré vide. Quand j'te regarde dans les yeux c'est magnifique. J'me sens différente, j'ai rien à faire avec tous ces gens. Ces gens, ces gens. J'me sens différente, j'ai rien à faire avec tous ces gens. Ces gens, ces gens. Juste un peu de style, c'est juste un peu de style. Tu manques un peu de style, tu manques un peu de style. Juste un peu de magie, juste un peu de magie. Tu manques un peu de skills, tu manques un peu de skills. Tu veux jouer, prends un ticket. Tu veux jouer, prends un ticket. J'ai besoin que tu n'allumettes pas d'un briquet. J'ai besoin que tu n'allumettes pas d'un briquet. Tu veux pas lâcher l'affaire, j'ai un problème avec ta tronche. J'ai pas envie de vendre des vêtements, j'ai pas envie de faire la plonge. J'ai rien à faire avec ces bouffons, moi. Faut jamais faire confiance à tout ce qu'on voit. La reine se demande quand est-ce qu'elle trouve son roi. Malheureusement, ils sont tous cons. La plupart de leurs chansons sont pathétiques. J'me couche à 9h de l'après-midi. Un dernier joint de cash pour me ramener au lit. Le sommeil m'a zappé. Le destin d'un vendeur de sable. À caisse ou bien à pied. Paiement en pièces ou en papier. Les doros, le voir, ils le cachent. Sur la tête de la madre, à Marine je me rangerai les yantés de sable. Fucked up, c'est le système qui nous consume. C'est chacun sa croix, négro, fuck tes droits. La chana a pas se prendre dans la nuit noire. Soit t'es chasseur ou bien soit t'es la proie. Si tu crois que t'es chasseur, eh bien c'est que t'es là-bas. Niggas, t'es locked up. Dans ma legacy speed, dans ma legacy speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma legacy speed. Dans ma legacy speed, dans ma legacy speed. Dans ma legacy speed, dans ma legacy speed. Je voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Speed. Oh ma logue c'est speed. Je voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Je voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. So gifted, sugar, how you get so fly? Dans la cheveux blanc comme si la vie n'était pas assez speed. N'était pas assez speed. Pourvois-tu en courant, c'est le tien, tu pourras pas rater le film. Tu pourras pas rater le film. Si on accélère, c'est plus par gourmandise que par appétit. Que par appétit. L'histoire, on la connaît, virage à 200, t'es paraplégique. J'ai aujourd'hui l'impression que le système est bien pire qu'un ennemi. J'existe à travers lui. Azerty, Azerty, Azerty. Comme un virus au sein de la matrice. Ce n'est pas dans mon plan de m'enfumer à Maastricht. Paris te mâche, te recrache, Paris est magique. Ouais, ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Speed. Ouais, ma logue c'est speed. Tu voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Ouais, ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed, oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Je voudrais qu'on t'explique, mais ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Oh ma logue c'est speed. Is it really me? Is it really me? Is it really me? I- ask myself, am I too blind to see? Should I ask for help? Do I have to yell? I can't tell what to do with these dilemmas, God. Tell me what or who I gotta fight next. I know it's all a test. I know that I could be more than the best. I know they impressed, and I ain't even started yet. Hi, this shit is a fucking mess, and I'm blessed, yeah, but I'm stressed. Need more money, I need less. Occupation side of my head. I need more sense inside my plans, and I can't win if I can't stand on my own. I don't wanna pose, not looking for miracles. I just wanna hope, just wanna heal my soul. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. On the wrong path, must be attracted to bad, or maybe I'm bad. Maybe this is preparation, and I'm getting everything I wish I had. And I carry damn mountains on my back, so forgive if I slack, but I do stay on track. Don't lose sight of my goals, no, I never stand back. But these days, and what's holding me back? Hey, I don't know. Maybe it's a genius, yeah. Maybe it's a growth, maybe it's a confrontation. For the things that I got to let go, I say, hey, I don't know. Maybe it's a genius. Yeah. Hey, highway, highway, highway, highway. Wabambe na kipaji. Shokudia kwenu ndau ya kala tu mmoja kuja angine nikikira kazi kuika vikao kwa nini wao wasifuate mambo yao basi sasa kaza kijeri na malecheleka ni juhudi tikadi za maisha nikada pere maisha soko za kaki kwala kwere inanibidi kutafuta sio kikwa la kwere haya we we we we we Bena kipaji. Yeah.

Balle dans la tempe, si c'est pour maman, ce n'est pas si grave. Tout est relatif, prends Pablo pour exemple. Si c'est pour l'argent, ce n'est pas si grave. Discipliné comme un microbe, jamais contente comme un smicard. Rap, c'est rentable, prends l'argent et mon pied. Si ça va, je suis bien dans mes sneakers. On vendra jamais autant que Johnny. À l'idée, le feu sera aussi chaud. C'est qui cladé, c'est qui bonnie. Moi et moi, on arrivera plus loin. L'esclavage a été aboli. Maintenant, il voit de toutes les couleurs. Dieu merci, le visage est joli. Si seulement mon esprit pouvait me ressembler. Même si j'ai tort, j'ai mes raisons. Oh oui. Sur les bobos, y'a du naissant. Oh oui. N'hésite pas à poser la question. Oh oui. À ta maman, à ta madre, si tu ne me connais pas. Ouais. Même si j'ai tort, j'ai mes raisons. Oh oui. Sur les bobos, y'a du naissant. Oh oui. N'hésite pas à poser la question. Oh oui. À ta maman, à ta madre, si tu ne me connais pas. Ouais. Suffit pas d'être pour exister, suffit pas de partir pour disparaître. Bâtir l'empire et puis partir en légende. Tu vas partir avant qu'on te brise ta mère. T'auras beau cracher sur nous, c'est pas ça qui va nous faire couler. J'ai les épaules pour un bras long et une tête dessus. Mon champ de vision n'a pas de borne. Et ta salope elle n'a pas de corps. Mon adversaire n'a pas de bol. J'ai du cardio, je n'ai pas de cœur. Mon champ de vision n'a pas de borne. Et ta salope elle n'a pas de corps. Mon adversaire n'a pas de bol. J'ai du cardio, je n'ai pas de cœur. Même si j'ai tort, j'ai mes raisons. Oh oui. Sur les bobos, y'a du naissant. Oh oui. N'hésite pas à poser la question. Oh oui. À ta maman, à ta madre, si tu ne me connais pas. Ouais. Même si j'ai tort, j'ai mes raisons. Oh oui. Sur les bobos, y'a du naissant. Oh oui. N'hésite pas à poser la question. Oh oui. À ta maman, à ta madre, si tu ne me connais pas. Ouais. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Daya en balade dans la capitale. Dans comme tout c'est une Fanta tropicale. Jamais trop descendre, surf sur la spirale. J'ai job tout l'été, j'suis pas la cigale. Et cette bitch c'est ma ho, c'est pas ma rivale. J'suis dans toute fréquence, j'ai pas le même signal. Pop la chloroquine, mon shit est viral. J'suis rare comme Rookin, japon estimal. She tryna fuck, I ain't with it. Send us the dot, we gon' spin it. Yeah, Versace and Louis, my linen. Whatever he on, we with it. Yeah, I made me a meal, I did it. And none of these whips is rented. Then I might spend a dub in Nemus. Yeah, cut the bitch off, I don't need her. Pour up some walk in a liter. Had to bring a bitch home, she a eater. Yeah, like the way you look when you look back. Walk straight in the club with the Glock and the blue bag. Set up a lick, we gon' hit that. Took a trip out of town, need a 10 when I get back. Said he got 8, where the rest at? Yeah, I might tell him go spin where he rest at. Let's go. He tryna fuck, I ain't with it. Yeah. Versace and Louis, my linen. whatever he on, boo me. Bitch, moi je t'ai dit c'est now, c'est pas après. Tu repenses au jour où je te courais après. Non, toi il te faut un négro à paillettes. Un nec pour faire tous tes challenges avec. Moi j'bolle comme une athlète. Hey, le match est fini si je rentre dans la raquette. J'suis dans les magazines, j'suis dans les gazettes. Elle avait jamais vu trap nos caps, nos casquettes. Elle avait jamais vu jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais vu ça.